On va commencer par la plus grande question au niveau du volume. Je ne sais pas si c'est au niveau du sens, mais en tout cas, elle est très grande. Alors, attachez vos ceintures. Daniel Kemp, vous dites avec raison que l'instruction et la lucidité nous permettent de combattre les forces du mal. Vous dites que le mauvais a oublié le bien de qui il est coupé, dirais-je. La révolte est nécessairement la plus ultime réaction. Il me semble que le juste est celui ou celle dont les gestes sont en accord avec ses paroles. Diriez-vous que la sagesse est de faire ce que l'on sait et ainsi combattre le mauvais qui, lui, dites-vous, ne sait pas, ne sait plus, ne sait pas le bien? Là où le mal se révolte, le juste est dans la joie, la paix, l'attente. Il a soupçonné qui était l'auteur de la question. Oui, une personne qui la première fois vient de mes conférences. Disons que c'est... Je ne commenterai pas ce qu'elle pense, je vais changer un mot. Diriez-vous que la sagesse est de faire ce que l'on sait, on ne peut pas faire autrement? Et ainsi combattre le mauvais? Non. Instruire. On ne peut pas combattre le mauvais, parce que sachez que, de toute façon, je crois bien que la personne qui a écrit le reste au complet ici, d'accord avec ce que je dis, mais combattre le mauvais veut dire combattre celui qui ne comprend pas ou combattre l'entité énergétique qui ne saisit pas. Cela veut dire que vous devriez toujours être en lutte contre ceux qui ne comprennent pas et en train de vous défendre contre ceux qui comprennent des choses que vous ne comprenez pas. Le mot combattre, non. Lorsque l'homme ne comprend pas, il doit évidemment empêcher l'expression énergétique de ses propres gestes de façon à ce que ceux-ci ne soient pas mémorisés par la planète de manière à nourrir Satan. Donc, l'homme doit lutter contre les choses qui se passent chez lui de façon à ne pas les exprimer dehors pour nourrir une énergie qui collectionne tous les mécanismes inharmonieux émis par l'homme et qui va porter le nom de Satan. Mais lorsque l'on peut instruire, lorsque quelque chose se passe chez nous, on a toujours le choix de l'exprimer ou de ne pas l'exprimer, mais ce choix n'est pas déterminé par notre psychologie, il est déterminé par le niveau vibratoire de cette psychologie. Je répète que l'homme fait toujours de son mieux. De ce fait, l'homme ne commet jamais volontairement d'erreur. Lorsque l'homme a une décision à prendre, il prend celle qu'il croit être la plus juste, même si elle se révèle être complètement stupide après, l'homme n'avait pas le choix. Alors, le mauvais, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui a une tendance innée à vouloir devenir bien ou bon, et il s'attache à tout ce qui est bon ou bien, diminuant la qualité de ce bien et de ce bon, et augmentant la qualité de ce que lui en a. Mais le rôle de celui qui est en haut, c'est de ne pas descendre en bas. Ou s'il veut descendre en bas, ce qui n'est pas votre fonction, il doit avoir la faculté énergétique de pouvoir remonter quand bon lui semble. Revenir du monde des morts, revenir du monde de l'enfer. Et la faculté... La fonction, pardon, de ce que vous avez à faire sur le plan planétaire, c'est de ramasser ce qui est supérieur à vous pour le descendre, de façon à pouvoir vous monter. Et votre deuxième fonction est de tout faire pour que ce qui est en bas ne s'agrippe pas à vous pour que vous ne descendiez pas. Faites donc partie des mécanismes du mal ou du bien, comme tout ce qui fait partie de l'univers n'est ni mal ni bien, comme tout ce qui est. Et lorsque l'on peut vous instruire, lorsque vous devenez suffisamment en contact avec cette nouvelle conscience, celle de l'homme nouveau, lorsque l'on peut vous instruire, alors tout ce qui est intelligent au-dessus de l'homme se complaît à instruire l'homme. Mais lorsque l'homme, par différents simulacres de religion, lorsque l'homme essaie par différentes offrandes, par différents chantages, par différents phénomènes de manipulation, d'assujettir les énergies supérieures à l'homme pour que celles-ci dégringolent dans le plan de l'homme. L'homme fait partie des mécanismes du mal. Et lorsque l'homme peut être instruit, il fait partie des mécanismes écologiques de l'évolution expérientielle de l'homme. Et lorsque l'homme est capable d'instruire ce qui est inférieur à lui, L'homme fait partie de ce plan, de cette trame cosmique que l'homme appelle aussi plan de Dieu, mais qui est en réalité être simplement un mécanisme régi par les lois de l'espace-temps. Alors, on ne combat pas le mal, on instruit, on se fait instruire. Le mal, prenez ça, emballez-le dans un beau paquet et donnez-le à celui qui en voudra ou mettez-le aux poubelles. Ça n'existe pas, le mal. Les forces d'involution existent, ils ont une raison d'être, celle d'évoluer. Et c'est ceux-là même qui vont créer l'expérience évolutive pour vous. Plus vous allez vivre d'expérience, plus vous allez apprendre à comprendre ce qui se passe, plus vous allez connaître les mécanismes qui régissent l'évolution, et plus vous allez être capable de travailler avec ce que l'homme appelle le diable, et au lieu d'être l'esclave du diable, vous allez faire de celui-ci votre serviteur. C'est facile, simple. Mais il faut que l'homme puisse instruire. Donc, pour que l'homme puisse instruire, l'homme doit pouvoir être instruit. Et lorsque l'homme peut être instruit, c'est que l'homme est capable d'assumer lui-même l'instruction qu'on lui donne. Cela veut dire que l'homme ne se fie pas à l'instruction qu'on lui donne parce qu'on lui donne. Cela veut dire que l'homme est capable, à partir de sa propre énergie, de diagnostiquer ce qu'il comprend de ce qu'il ne comprend pas. Et lorsqu'il comprend, il se rapproche du savoir, et lorsqu'il se rapproche du savoir, il peut se permettre d'exprimer à l'extérieur de lui ce qu'il comprend. Mais ce que l'homme ne comprend pas, quel que soit l'instructeur et quel que soit le nom qu'il se donne ou le nom qu'on lui donne, ça ne vaut rien, cette instruction. Parce que si vous ne comprenez pas et que c'est faux, vous ne comprendrez pas plus et vous allez l'exprimer d'une façon anti-évolution, donc pour servir les forces de l'involution. Alors justement, ça tombe bien à propos en parlant de comprendre ou de ne pas comprendre. Il y a deux personnes ici qui disent, la première, j'ai somnolé, j'en ai manqué des bouts. Est-ce que je peux dire que l'énergie de la parole, je l'intègre pareil? L'autre dit, j'en ai perdu des bouts, mais pour ce que j'ai compris, c'est extra. Est-ce bien ou mal ce mécanisme? Le fait d'avoir une conscience éveillée lorsqu'un orateur parle, le fait d'avoir une conscience éveillée lorsque vous vivez un événement, n'est pas déterminant sur ce qui va se passer chez vous. Lorsque vous êtes inconscient d'un événement, celui-ci peut venir vous traumatiser au plus haut point. Et lorsque vous en êtes conscient, il peut ou il peut ne pas vous traumatiser, traumatisant en bien ou en mal. Lorsque je parle et qu'une personne sommeille, ça n'a aucune importance sur ce que je dis, sur ce qu'elle a à comprendre, étant donné que la majorité du transfert qui se passe ce soir ou qui se passe les différents soirs lorsque je fais des conférences, c'est un transfert énergétique, qui peut être supporté par le mécanisme de la parole, mais qui est surtout relié au verbe et non pas à la parole. Alors, ça n'a aucune importance parce qu'à un moment donné, la personne va vivre quelque chose et elle va comprendre soudainement ce qui se passe. Mais elle ne saura pas d'où ça vient, cette compréhension. Et lorsqu'une personne entend tout par ses oreilles et qu'elle peut le conscientiser, elle a même un petit défaut qui peut apparaître, c'est qu'elle peut intellectualiser ce que je dis, tandis que la personne qui somnole ne le peut pas. Le fait d'avoir compris des choses, de ne pas en avoir compris d'autres, c'est parfait. L'homme ne comprend que ce qu'il sait déjà. Dans une conscience presque éveillée. Et lorsque moi je parle, je ne fais que confirmer ce que l'homme sait. Alors l'homme dit « je comprends ». Et ce que l'homme ne comprend pas, ça n'a aucune importance, ça ne va pas être compris. On n'est pas à l'école. Concernant la question que je te posais en fin de première partie, là, quel est le rôle de la pensée par rapport justement à cette opposition, séparation que l'on appelle le bien, le mal, le désordre, l'ordre, etc. Le rôle de la pensée chez l'homme. Alors, on a vu lors des mécanismes, la semaine dernière, lors des mécanismes de la réflexion, que l'homme pensait, et que tant que l'homme est assujetti à une conscience collective, l'instruction qu'on lui apporte, c'est-à-dire l'instruction que son esprit va apporter à son ego, va être pluralisée dans différentes personnalités humaines, parce que l'esprit s'exprime dans plusieurs corps en même temps, chez l'homme ancien. Alors, automatiquement, l'homme pense collectivement, c'est-à-dire que l'homme pense d'une façon pluralisée, l'homme pense comme beaucoup d'autres. Les mécanismes de la pensée, tant que la pensée est assujettie à une invasion facile des forces d'évolution inférieures à l'homme, donc des forces d'involution par rapport à l'homme, l'homme pense et se fait charrier dans sa pensée. Lorsque l'homme est capable d'observer sa pensée sans penser, lorsque l'homme est capable de ne plus penser tout en laissant ses mécanismes fonctionner, lorsque l'homme est capable de prendre conscience de son corps mental, non pas son corps intellectuel, on a vu la semaine dernière, je crois, la différenciation entre l'intellect et le mental. Lorsque l'homme est capable de laisser entrer dans sa conscience ce que l'homme appelle la pensée, parce que l'homme appelle la pensée la conscience. Mais il y a différents plans et différents niveaux de conscience. Moi, présentement, je suis capable de penser, de vivre des émotions, de recevoir une connaissance instantanée et d'observer tout ce qui se passe chez moi. Donc, je travaille dans 4 plans de conscience différents. Et je peux aussi travailler dans un nouveau plan de conscience, qui est un 5e plan de conscience, qui est le plan de la conscience supramentale. Et lorsque l'homme n'a pas encore différencié, lorsque l'homme n'a pas observé une différenciation entre sa conscience émotive et sa conscience mentale, l'homme appelle tout ce mécanisme la pensée. Et lorsque ce mécanisme de pensée n'est pas dissocié, il est facilement assimilable par les forces d'involution, donc par les forces qui s'attachent à l'homme pour évoluer, par les forces de ce que l'homme appelle le mal. Le rôle de la pensée est de permettre à l'homme d'avoir un contact expérientiel avec les forces d'involution et avec tous les événements évolutifs qui amènent l'homme à s'en sortir. La pensée est un mécanisme qui permet aux mémoires, à l'expérience de l'homme, d'être vomi dans un simulacre de conscience pour permettre à l'homme, non en contact avec une énergie instantanée comme le pouvoir supramental, de pouvoir arriver à élaborer un mécanisme d'évolution et de pouvoir arriver à élaborer une création d'ego, d'âme et de tout ce que l'homme a besoin pour arriver à ce contact supramental. À un moment donné, l'homme ne pensera plus, et lorsque l'homme ne pensera plus, l'homme ne sera plus manipulable et l'homme ne sera plus manipulé. L'homme ne pensera plus parce que l'homme n'aura plus besoin de penser, parce que l'homme saura instantanément ce qu'il a besoin de savoir. Lorsque je parle, je ne pense pas à ce que je dis. Et lorsque je parle, ma pensée apprend des choses. Et lorsque je parle, je dis des choses qui ont besoin d'être dites lorsqu'ils ont besoin d'être dites, mais je ne pense pas. Et à un moment donné, l'homme ne pensera plus non plus. La pensée est un mécanisme pour permettre à l'homme de freiner l'évolution lorsque les bases ne sont pas suffisamment solidifiées, stables et instaurées, pour empêcher les forces d'involution d'entraîner avec elles l'évolution de l'homme. Alors, lorsque l'homme ne pense plus, il n'est plus manipulable, et lorsque l'homme ne pense plus, il est dans une conscience nouvelle, une conscience reliée à l'homme nouveau. L'homme est nouveau. C'est un peu ce que disait Krishnamurti dans ce sens qu'il disait que le bien implique une abnégation totale du moi, de l'ego, de la pensée. Ce serait ça. Le bien est au-dessus du bien. L'état d'être. OK. Il y a deux questions ici reliées. Premièrement, si nous venons du mal, pourquoi en avons-nous peur? Ne sommes-nous pas apeurés de ce que nous ne connaissons pas? Si nous sommes les enfants de Lucifer, pourquoi dans la Bible disons-nous que Dieu a créé l'homme? L'homme a peur de l'événement qu'il ne connaît pas parce qu'il ne saura pas comment s'adapter à l'événement. Lorsque vous connaissez un boxeur qui est votre voisin et que par 3 fois vous vous êtes fait cogner le nez par son poing, vous le connaissez, vous connaissez son caractère et vous connaissez tout. Mais vous en avez peur quand même. Vous avez peur qu'un jour, un événement, donc le boxeur rentre encore une fois chez vous, vienne encore vous tapocher. Mais vous n'avez pas peur du boxeur, vous avez peur de l'événement dans lequel le boxeur peut s'exprimer. On connaît les forces du mal, parce qu'on connaît les phénomènes de possession, on connaît plusieurs mécanismes du mal et on en a peur. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si un jour on va subir l'atteinte de ces mécanismes. Si nous venons du mal, nous ne venons, ouais, entre guillemets ici, je précise, parce que nous ne venons pas du mal, mais c'est ce que l'homme appelle le mal qu'il a généré. Pourquoi en avons-nous peur? Ne sommes-nous pas apeurés de ce que nous ne connaissons pas? Nous sommes apeurés de l'événement possible qui peut apparaître. Et c'est de ça que nous avons peur. Est-ce que vous avez peur du trypanosome lipius? Mais vous ne le connaissez pas. En avez-vous peur? Vous n'en avez pas peur. Mais pourtant, vous ne le connaissez pas. Donc, l'homme n'a pas peur d'un mécanisme actuel qu'il ignore. Il a peur d'un événement placé dans un cadre illusoire du futur. Et cet événement, il ne sait pas s'il pourra le contourner, l'adapter, le contrôler. Le trypanosome lipius, qui se promène avec plaisir sur la mouche tsetse, est le virus qui donne la trypanosomiase, la maladie du sommeil. Alors, dans différents pays d'Afrique, on en a peur, vous voyez, puis on le connaît. Si nous sommes les enfants de Lucifer, pourquoi dans la Bible disons-nous que Dieu a créé l'homme? Mais effectivement, que ce Dieu énergétique a créé l'homme. Et si vous prenez connaissance de la Bible, une fois la création de l'homme, Lucifer vient s'en mêler. Et par la suite, élaborant sur ces mécanismes bibliques, qui ne comptent pas toute la naissance de l'homme, parce que la Bible... La Genèse commence sur en terre lémurienne, où la différenciation des sexes a été opérée. Et une fois que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire ésotériquement une fois que ce Dieu s'est fait homme, pluralitairement dans l'humanité, on voit apparaître des forces qui vont tendre à évoluer l'homme, donc dans un Éden, par exemple, où on va aller voir l'homme pour lui dire, la femme entre autres, pour dire à la femme de manger une pomme. C'est très symbolique, parce que ce n'est pas parce que la femme a mangé une pomme que l'homme a été déchu, l'homme était déjà déchu. Et Lucifer est venu essayer de forcer l'homme à évoluer après la création de l'homme, étant donné que Lucifer ne pouvait pas être une force du mal par rapport à l'homme tant que l'homme n'était pas créé. Alors, ces dieux qui ont créé l'homme à l'image et à la ressemblance d'eux-mêmes sont les forces luciférienne qui, une fois que l'homme a été créé, que cet homme a commencé à évoluer, donc à servir de réceptacle à l'énergie évoluante, supérieure à l'homme, ces forces luciférienne ont automatiquement tenté de s'intégrer totalement au mécanisme de l'homme, donc de s'intégrer totalement à l'évolution de l'homme, ce qui ne pouvait pas être fait par le manque de disponibilité des corps à l'époque. Alors, dans la Bible, lorsque nous disons que Dieu a créé l'homme, et par la suite, lorsque nous parlons de Lucifer qui vient tenter, lorsque Satan s'en mêle aussi, nous parlons chronologiquement des mécanismes que j'ai parlé. Lucifer n'est pas le diable, n'est pas le mal, n'est rien. Et lorsque l'homme a été créé, automatiquement, l'homme peut en constater qu'il y a des énergies évoluées, des énergies qui tendent à le posséder. Et ces énergies qui tendent à le posséder sont les énergies créatrices de l'homme. Et c'est pourquoi aussi la planète Terre est mise entre les mains de Lucifer. Qui est un ange? La Bible dit un ange déchu? Oui. Qui est un être drôlement énergétique, intelligent, qui, dans le contexte de la planète Terre, ne peut plus avoir cette connaissance d'intelligence. Donc, c'est un être déchu, comme l'homme est un être déchu. Mais déchu, mettons ça aux poubelles, comme l'homme est un être drôlement extraordinaire, qui a été la seule forme d'expression de l'univers, à vouloir tenter l'expérience planétaire pour bloquer l'expansion de notre univers. Question aussi en rapport avec le libre arbitre. Quand on parle du bien et du mal chez l'homme, que fais-tu du choix de l'homme avec son libre arbitre? Je le mets à poubelle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne choisit pas le bien, le mal? On ne choisit pas le bien et le mal. On choisit le bien qu'on connaît et le mal qu'on connaît, mais lorsqu'on veut faire le bien et qu'on fait du mal, c'est parce qu'on ne connaissait pas le mal pour passer à faire le bien. Alors, quand est-ce que l'homme choisit-il réellement de faire le bien? Quand, regardez-vous, observez-vous lucidement, quand dans votre vie avez-vous voulu volontairement et lucidement faire le mal? Quand? Ne me dites pas, oui, mais souvent j'ai mal agi, ça n'a aucune importance. Quand avez-vous lucidement voulu faire du mal? Souvent, vous avez même voulu faire du bien et ça l'a viré mal. Vous n'aviez pas le choix. Le libre arbitre, ça n'existe pas. Pour la simple raison que l'homme évolue dans un cadre écologique. Que chaque fois que vous pétez, vous dérangez quelqu'un. Que chaque fois que vous vous levez, vous bougez de l'air. Que chaque fois que vous agissez, vous créez une réaction qui, par effet de vague, va opérer des actions à l'extérieur qui vont s'engendrer en réaction et on a une suite logique d'action-réaction. Où est le libre arbitre lorsque vous achetez un véhicule? Vous achetez ce que l'on vous vend et ce qui existe. Et vous choisissez parmi ce qui existe. Mais vous ne pouvez pas acheter un véhicule qui n'existe pas. Alors, l'homme a un libre arbitre dans un cadre déterminé par lui avant qu'il oublie que c'est lui qui l'a déterminé. Et dans ce cadre déterminé, l'homme a le libre arbitre de choisir ce qu'on lui offre. Il n'a pas le libre arbitre de choisir ce qu'on ne lui offre pas. Entre le bien et le mal, si on aurait réellement le libre arbitre de faire le bien, ce serait facile. Ce serait drôlement facile. Il n'y aurait plus de mal dans beaucoup de nos villes. Mais comment pouvons-nous faire le bien si, après tous les essais infructueux que nous avons tentés, l'homme n'arrive pas à comprendre qu'il n'a pas le libre arbitre du bien et du mal? On a éduqué collectivement l'homme que l'homme avait le choix entre le bien et le mal, parce que lorsque l'homme faisait mal, même si l'homme avait voulu faire bien, on pouvait culpabiliser l'homme, donc on pouvait ramener l'homme dans le cadre structurel d'une évolution spirituelle, morale ou religieuse. Alors on disait à l'homme, ne pense pas. Merde, vous avez le libre arbitre du bien et du mal, et on vous dit continuellement que vous devriez faire comme tout le monde. Alors c'est la collectivité qui a le libre arbitre du bien et du mal, pas l'individu dedans la collectivité. Parce que lorsque la collectivité tue, c'est la guerre. Et lorsque un homme tue, c'est un meurtre. La collectivité a le droit de choisir entre le bien et le mal parce que c'est elle qui va déterminer les paramètres du bien et du mal. Pas l'homme. Déterminez vous-même ce qui est bien et mal. Et si la collectivité est contre, on va vous punir. Et ce sera bien. Lorsque François d'Assise était dans le mal par-dessus la tête, jusqu'au jour où il est rentré devant le pape et qu'il a mis le pape à ses genoux, et là, tout est devenu le bien. Il n'avait pas le choix du bien et du mal. Vous pouvez dire à un moment donné, alors moi, je vais faire ce que je crois être juste et je me fous de la collectivité. Si ce que vous faites, que vous croyez juste, détruit l'écosystème dans lequel vous vivez, qui est la collectivité, faites le mal. Et même pour vous, parce que vous allez vous en repentir. C'est-à-dire que la collectivité va vous mettre en prison, elle va vous donner des amendes, elle va vous taper dessus, elle va vous assassiner, elle va faire en sorte que vous appreniez que vous avez mal agi. L'homme n'a pas le libre arbitre entre le bien et le mal, parce que le bien et le mal, ça n'existe pas. L'homme agit. L'homme agit conséquentiellement ou inconséquentiellement. L'homme agit en fonction de l'écosystème dans lequel il est, où l'homme change d'écosystème, mais l'homme ne change pas l'écosystème en son propre nom au détriment de tout le monde. La société, elle est pourrite? Parfait. Allez-vous-en dans la forêt et créez-en une société. C'est écologique. La société, elle est pourrite? Placez des bombes partout? Elle ne sera que plus pourrite. La société, elle est pourrite? Je me drogue pour oublier qu'elle est pourrite. Je participe à la pourriture de la société. Et la société, elle n'est pas pourrite, elle est constructive. Et je participe à cette société constructive dans le même cadre spatial, dans le même endroit. Lorsque vous décidez de faire le bien, c'est que vous acceptez, et c'est le seul libre arbitre permis par les forces évolutives et involutives dans le cadre de l'homme expérientiel, lorsque vous acceptez de vouloir faire le bien, c'est que vous acceptez de vous placer dans une lignée qui se rapproche le plus possible de l'écologie, de l'harmonie. Mais cela ne veut pas dire que pour autant vous allez faire le bien. Alors, dans le libre arbitre restreint que l'homme a entre choisir de faire le bien ou de choisir de faire le mal, quand avez-vous choisi? Vous avez toujours voulu faire le bien. Le libre arbitre se restreint là. Mais dans le bien que vous avez voulu faire, vous n'avez pas le libre arbitre. Seule l'intelligence, la compréhension des mécanismes écologiques, seul le savoir va vous permettre de faire ce qui doit être fait. Et ça, c'est faire le bien. Pas faire ce qu'on pense qui doit être fait. Et lorsqu'on n'a pas le choix, on doit s'obliger à faire ce qu'on pense. Et faisant ce que l'on pense qui doit être fait, on apprend par essai et par erreur. On ne se culpabilise pas parce qu'on n'avait pas le choix de faire autrement. Et apprenant, on finit par souffrir suffisamment pour purifier les mécanismes chez soi et on arrive à cette connaissance de la conséquentialité de l'homme nouveau. Alors après, on fait parce qu'on sait que cela doit être fait. On ne fait plus, on accomplit. Que faire? Je descends un étage. Que faire dans le sommeil? Il s'agit d'une question concernant la pollution nocturne. Que faire quand on se fait charrier dans le domaine des rêves si à ce moment on est inconscient? Rien. Lorsqu'on est inconscient, il n'y a rien à faire. C'est lorsqu'on devient conscient qu'on peut faire quelque chose. N'est-ce pas? Comment parvenir à être conscient dans le rêve? Ceux qui veulent se rappeler leur rêve à leur réveil, ceux qui s'en rappellent, tant mieux. Ceux qui travaillent pour s'en rappeler, perdent de temps. Vous pouvez travailler dans un rêve, vivre un rêve, parce que sachez bien que ce n'est pas parce que le corps physique n'est pas inclus dans le rêve biologiquement, moléculairement, que vous ne vivez pas une expérience. Un rêve peut traumatiser une personne autant qu'un événement qu'elle aura vécu dans son corps physique. Parce qu'elle vit un événement. Lorsque le degré d'énergie de la conscience de l'homme augmente suffisamment, il se réveille dans son rêve. Et là, il se dit « Tiens, je rêve ». Et lorsqu'il se dit « Tiens, je rêve », alors il peut commencer à dire « Tiens, je ne veux plus rêver ça. Alors, je veux rêver à d'autres choses. » Et l'homme peut même se dire « Tiens, je rêve et je me rends compte que j'ai déjà rêvé ce rêve. » Ça finissait mal. Alors, ce coup-là, ça va bien finir. Et je connais beaucoup de personnes qui, effectivement, présentement, se réveillent dans leur rêve et en font ce qu'ils veulent. Comment cela se fait-il? Pas par initiation, pas par cours. À un moment donné, votre énergie devient suffisamment haute que vous observez quelqu'un sur la rue et vous vous dites « Pauvre type ». Et soudain, vous vous dites « Non, il y a ce qu'il veut ». Quelque chose s'est passé chez vous. Vous aviez un peu plus d'énergie que normalement et vous avez vu différemment quelque chose. Dans votre rêve, c'est le même mécanisme qui se passe. On veut vous charrier, on veut vous violer. Et à un moment donné, vous en prenez conscience. Vous ouvrez à une nouvelle conscience, celle du monde de l'astral, celle du monde du rêve, une parcelle du monde des morts, monde du sommeil, et vous dites non. Et lorsqu'un maître vient vous voir, vous commencez à poser des questions au maître. Des questions qui vont l'embarrasser assez que le maître ne viendra plus vous voir parce que vous êtes un disciple niaiseux. Un imbécile. Il va aller voir d'autres personnes. Alors, il n'y a pas de mécanisme à apprendre. Plus l'homme se conscientise, moins l'homme se fait charrier, dans son vivant conscient comme dans son vivant endormi. Les maladies, les infirmités sont-elles dues à la loi du retour, cause à effet? Lors d'une conférence intitulée « L'évolution des handicapés », j'ai abordé pendant 2 heures de temps ce mécanisme même. Des maladies, des infirmités. La majorité des maladies que l'homme va atteindre, que l'homme va avoir de son vivant, maladies qui ne sont pas transmises par la génétique, sont des maladies de retour. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de foi, c'est que vous bouffez des choses qui ne sont pas harmonieusement en accord avec votre foi. Si vous avez des problèmes d'estomac, c'est que vous faites des choses qui ne sont pas en harmonie, donc qui ne sont pas écologiques. Si vous vieillissez normalement, ce que l'homme appelle normal, mais qui est prématurément quand même, c'est que vous faites des choses qui ne sont pas en harmonie avec votre propre corps physique. Ce sont donc des effets d'inconséquentialité, donc des retours du karma. Lorsque l'enfant naît handicapé, il paie un karma collectif. C'est-à-dire que la biologie, la génétique et tous les produits chimiques que les parents ont pu prendre, comme les pollutions industrielles, etc., ont donné une naissance d'un enfant handicapé qui ne paie pas un karma d'une vie antérieure parce qu'il n'a pas à payer de karma de vie antérieure. Dans sa vie antérieure, il était moins évolué, alors il savait encore moins ce qu'il faisait. Alors, c'est pas parce qu'on lui tape ses doigts maintenant qu'il se rappelle même plus qu'est-ce qu'il a fait qu'il va comprendre plus. Par contre, il paie le karma de la collectivité. Il soulage donc le fardeau collectif. Et c'est normal, c'est l'humanité qui évolue. C'est intelligent et correct. Dernièrement, on parlait des mécanismes qui permettent à l'homme et à la femme de créer des enfants qui n'auront pas à payer le karma de la collectivité. Et plus cela va se faire et plus les enfants vont naître dans des conditions parfaites, plus ces régions karmiquement noires ne seront pas soulagés par la naissance d'handicapés. Alors, plus on aura de personnes faibles psychologiquement qui seront assujetties à la rétribution de ce karma, et on aura donc de plus en plus de meurtres, de viols, de conneries de ce genre. Jusqu'au jour où l'homme ne voudra plus assumer le karma de la collectivité. Alors, comme on connaît Sodome et Gomorre, ces régions karmiquement noires devront être détruites. Et c'est pourquoi l'homme a si peur d'un apocalypse où ses grands centres karmiques, ses grandes villes, seront balayés de la carte. Lorsque l'homme est dans la ville et que la ville s'en va, c'est que l'homme paye le karma collectif de la ville. Et lorsque l'homme est à l'extérieur de la ville et que la ville s'en va, c'est que l'homme n'a pas payé ce karma collectif. Pour en savoir un peu plus au niveau de ces infirmités et de ce genre de choses, la meilleure chose à faire, c'est de vous référer à cette cassette, l'évolution des handicapés. Une autre grande question ici, qui fait suite à la première page que je t'ai lue tout au début, là. C'est-à-dire qu'il nous appartient d'être fils du diable ou fils de Dieu selon que nous faisons le bien ou le mal. J'ajoute pour tantôt que le ciel qui est extérieur à nous est combattu. Non, le mal, pardon. Le mal qui est extérieur à nous est combattu par le bien qui est extérieur à nous, à condition que le bien en nous combatte le mal en nous. En cela, nous choisissons par une foi active dans le bien d'être fils de Dieu, déjà là et pas encore. Nous anticipons par la foi une victoire déjà acquise par l'amour. Alors, s'il vous plaît, définir l'amour. Puis, une petite note ici pour toi. Alors, je ne veux pas trop élaborer sur ce qui a été écrit dessus, étant donné que tout cela fait partie d'une compréhension ajustée par l'éducation. Ce qui est écrit ici, par le biais du mot, définit relativement bien ce que j'ai dit, mais permet assez facilement un ajustement ou une adaptation à quelque chose qui pourrait ne pas être tout à fait en harmonie ou en accord avec ce que j'ai dit. La personne qui a écrit ceci perçoit relativement bien les mécanismes, mais elle a une tendance à essayer, et elle ne devrait pas. Elle a une tendance à essayer d'ajuster ce qu'elle perçoit qui vient d'elle à ce qui a été perçu qui vient des autres, à son éducation. Cette personne, elle a de sérieux conflits avec la tradition, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas, mais la tradition en a avec elle. Et elle devrait essayer d'exprimer plus clairement ce qu'elle perçoit, parce qu'elle perçoit. Mais elle essaie de trop adapter à la tradition pour se faire reconnaître par la tradition. Ok, mais je vais poser la question parce qu'il me semble qu'elle est importante quand même en ce qui concerne la fin. Là. Autrement dit, l'amour, la compassion, le pardon, est-ce que c'est une antidote au mal? On aime... Non, c'est pas un antidote au mal. C'est-à-dire que l'amour, c'est une loi d'attraction. Le mal existe-t-il quand il a été pardonné? Lorsqu'on a oublié qu'on a pardonné, le mal n'existe plus. Pas lorsqu'on a pardonné. Et il y a une immense nuance. L'amour, c'est quelque chose qui permet à l'homme d'être attiré et d'attirer à lui des mécanismes. Certaines personnes aiment et se font tellement charrier dans leur amour qu'ils se font têter continuellement en énergie, en temps, en argent, en matière, en tout. Et d'autres personnes aiment suffisamment qu'ils instruisent. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient, elle doit faire sa part. Sinon, elle n'a rien. Lorsque le fils à papa rentre dans la compagnie, qu'il doit rentrer au bas de l'escalier parce qu'il doit traverser toute la compagnie, pour que lorsque papa sera mort, qu'il puisse prendre la direction de la compagnie, on se demande si le père aime son fils. Et lorsque le fils à papa commence avec Cadillac Limousine et tout ce qu'il veut, deux cartes American Express et tout le tralala, et que lorsque le père meurt, que le fils capoche tous les employés, sac dans le paquet, en met à la porte, fait toute la compagnie ferme, le père, est-ce qu'il aimait plus son fils que l'autre? Lorsque la mère et le père sont capables de punir un enfant, est-ce qu'il l'aime plus que celui qui lui laisse tout faire par amour? Il y a deux formes d'expression de l'amour. Il y a l'amour aveugle, l'amour psychologique, l'amour qui ne comprend rien. Il y a l'amour intelligent, l'amour ajusté, l'amour de l'homme nouveau, l'amour de l'homme transitif qui s'ajuste vers l'homme nouveau. L'amour qui permet, je le répète, de laisser tout venir à soi et de laisser tout partir de soi. L'amour qui ne retient pas. Cet amour est un antidote au mal pour la simple raison que cet amour n'aime pas ni le bien ni le mal. Cet amour est un amour intelligent qui sait laisser faire ce qui doit être fait. Lorsque l'homme a une expérience à vivre, on le laisse vivre son expérience. Lorsque l'homme est capable de comprendre par l'instruction, on lui interdit l'expérience et on l'instruit. L'homme ancien, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse vivre les expériences quand il pourrait instruire. Et il essaie d'instruire lorsqu'il n'y a rien à faire, que l'entité à instruire devrait vivre une expérience. L'homme ancien n'est pas ajusté parce qu'il aime trop psychologiquement, donc il est trop attaché. Et celui qui est attaché attache l'autre. Alors l'amour intelligent est un antidote au mal et au bien. L'amour psychologique est les mécanismes même qui nourrissent le bien et le mal. L'homme aimant son prochain comme lui-même, regardez-vous la face, c'est de même vous aimez vos prochains. L'homme ne s'aime pas lui-même, l'homme y va par désir, l'homme y va par émotion, l'homme y va par impulsion. C'est l'humain ordinaire, l'humain planétaire présent. C'est une excuse non valable à l'évolution. Lorsque l'homme dit « oui, mais c'est humain », c'est une maudite belle raison. Mais ce n'est pas une excuse. Lorsque l'homme est capable d'aimer suffisamment l'autre pour l'autre, tu as 15 ans, tu veux partir de la maison, je ne peux pas l'instruire. Il ne comprendra pas. Et va-t'en. Je l'aime. Lorsqu'il s'en va, je m'arrange pour qu'il vienne me parler de ce qui se passe et je le suis. Mais il s'en va sans heurts. Alors, je suis capable de créer un paramètre autour de lui pour le protéger à son insu. Et lorsque je peux l'instruire parce que l'expérience qu'il a en mémoire me permet l'instruction, alors je viens. Et vu que je suis accepté parce que je n'ai pas fermé les portes par amour, je peux l'instruire. Il comprend. Il peut revenir ou bien il se débrouille mauditement bien puis fonce tout seul. Mais si je l'aime et je l'interdis de partir pour son propre bien, c'est-à-dire que je ne veux même pas qu'il évolue, je ne veux même pas qu'il expérimente des choses, parce que moi, je les ai expérimentées, puis il n'y a rien qu'à me faire confiance, puis à me suivre, parce que moi, j'ai toujours refusé à mes parents. Alors, je l'aime, je l'embrasse, je le cajole, je donne des cadeaux, j'y peinture sa chambre, en n'importe quoi. Je donne tout ce qu'il veut, puis il sac son camp quand même, sauf que je ferme toutes les portes. Et je souffre de mon amour. Ce genre d'amour crée le mal, crée le bien. Et lorsque j'aime sans être attaché. Il n'y a ni mal, ni bien. C'est l'amour intelligent. Plusieurs questions ici en rapport avec les activités du PMC et la conférence de ce soir. Est-ce que le PMC ou les PMC sont obligatoires pour devenir homme nouveau ou si ce n'est qu'un outil pour aller plus rapidement? Bon, je vais répondre à celle-là tout de suite. OK. Programme maître contrôleur n'est pas obligatoire pour devenir un homme nouveau. Cela est évident. Ce serait une vraie farce cosmique si le programme maître contrôleur que j'ai instauré serait le seul chemin pour arriver à l'homme nouveau, parce qu'imaginez-vous qu'on est 4 milliards 800 millions sur la planète, qu'il y aurait un vache de problème quelque part. C'est un programme qui s'adresse à une collectivité qui se sent relativement prête, qui veut foncer. C'est un programme qui permet à la majorité d'arriver à la conscience de l'homme nouveau, mais ce n'est pas une condition sine qua non à l'apparition de la conscience nouvelle. C'est un moyen qu'on met en pratique ici parce que nous le considérons très bon, qui s'adapte facilement à tout le monde. Ce n'est pas le moyen pour arriver à la conscience nouvelle. Lorsque vous dites s'instruire pour contrôler les mécanismes du bien et du mal, est-ce que le programme PMC fait en sorte qu'il y a cette instruction-là? Il est bien évident que tout ce que nous savons, ou tout ce que moi je parle et que j'apprends et que je sais, lorsque cela a de l'intelligence, c'est automatiquement mis en application au niveau du programme être contrôleur. Parce que tant qu'à fabriquer un cours pour arriver à instruire l'extérieur, tout ce que nous découvrirons qui est intelligent est appliqué dedans ce cours. Alors, il est bien évident que l'homme apprend à instruire les mécanismes qui le charrient, que l'homme apprend à instruire les mécanismes astraux au niveau du programme être contrôleur. Combien d'années va durer l'ère du Verseau? Le même temps qu'a duré l'ère du Poisson, un peu plus de 2000 ans, 2160 années, pour être approximativement plus précis, l'ère du Verseau est une farce. C'est une farce astrologique. C'est une espèce de grande constellation zodiacale que le Soleil ainsi que son système planétaire va traverser pendant 2160 années, comme il l'a fait avec l'ère du Poisson, comme il l'a fait avec l'ère du Bélier, du Taureau, etc. La phase dans laquelle l'humanité pénètre présentement est une phase qui pourrait porter le nom ésotérique de millénium, ou qui pourrait être encore plus précis si on l'appelait l'âge d'or de l'humanité. C'est une phase qui va durer approximativement 13 800 ans, donc qui est beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus de grande envergure que l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est une phase zodiacale qui, chronologiquement, amène une datification des transformations de l'évolution à l'échelle de la planète. Comme l'ère du Poisson en a été une par la venue du Seigneur du Poisson qui a fait aborder le symbole même du Poisson Pisces par le Nazaréen qui a été le précurseur de l'ère du Poisson. L'ère du Verseau qui est présentement commencée est aussi amenée par différents êtres humains que l'humanité ésotérique appelle Avatar. Alors, on a eu Ram, qui voulait dire bélier. On a eu Abraham, issu de Ram. On a eu l'agneau de Dieu, le fils du bélier, le Nazaréen, qui a mené l'ère du Poisson. Et au niveau de l'ère du Verseau, on a non pas un Avatar, mais on a plusieurs précurseurs, plusieurs antennes supramentales, plusieurs ajusteurs collectifs. Alors, l'ère du Verseau, c'est chronologiquement un mécanisme qui nous permet cosmiquement de savoir où on s'en va. Mais ça n'a rien à voir avec le Verseau. Les personnes nées sous le signe du Verseau n'ont rien à voir avec l'homme nouveau. Et les personnes qui n'en sont pas nées n'ont rien à voir non plus. Cela dépend simplement de la conscience individuelle qui va s'élaborer dans chaque personne. Alors, lorsque j'ai fait des conférences et que je disais « Technique nouvelle pour l'homme nouveau », ça l'allait. Technique nouvelle pour l'homme du Verseau, la conscience à nouveau du Verseau, psychologie de l'homme du Verseau, psychologie de la femme du Verseau. Je parlais de la chronologie. Parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec les signes zodiacaux et l'astrologie. Et d'autres questions maintenant qui sont reliées au phénomène de siphonnage de l'énergie. Peut-on se faire siphonner notre énergie lorsqu'on dort avec quelqu'un? Je me réveille très fatigué le matin, ça me prend 2 heures à démarrer. Je réponds tout de suite. On n'a pas le choix de se faire siphonner l'énergie lorsqu'on dort deux dans un même lit. Et la majorité des couples fonctionneraient mauditement mieux s'ils auraient deux lits dans la même chambre ou deux chambres dans la même maison et ne coucheraient ensemble que pour certaines raisons sur lesquelles je n'élaborerai pas. Bon. Ça serait une très bonne chose que le couple ne partage pas le même lit lorsqu'il dort. On n'a pas le choix de se réveiller rarement bien et rarement en forme. On se réveille toujours fatigué après une nuit inconfortable, une nuit où ce qu'on a transpiré, une nuit où on s'est battu pas juste avec les draps. Et lorsque la moitié, qui n'est pas une moitié, qui est une totalité individuelle, s'éloigne, on dort mauditement mieux, sauf si on est le têteux. Évidemment. Lorsque nous acceptons les enfants dans notre lit, Les enfants viennent se revitaliser. Et les enfants dorment bien. Ils font partie des forces d'involution pour l'adulte. Et c'est normal et parfait. Sauf que l'adulte a une possibilité de retour d'énergie intelligent. Lorsque vous dormez avec des enfants dans le lit, ils viennent têter différentes énergies psychologiques pour se rassurer et vous leur têtez de l'énergie vitale, ce qui vous permet, disons, de vieillir un peu plus lentement. Mais l'enfant a une faculté qu'il va perdre lorsqu'on va l'éduquer, de bloquer les pertes d'énergie lorsqu'il ne veut pas que vous têtiez de son énergie, vous n'en têtez pas. Mais lorsqu'il veut en têter, il va en têter en maudit. Et vous ne serez pas capable d'aller en chercher chez lui. Alors, les professeurs vont souvent découvrir ce mécanisme lorsque les enfants sont à l'école et les enfants vont épuiser le professeur au long de la journée tandis que le professeur n'arrive pas à aller chercher chez l'enfant ce qu'il veut. S'il prend les enfants un par un et qu'il jase avec, il va être capable d'aller chercher son retour d'énergie. Alors, peut-on se faire siphonner notre énergie lorsque l'on dort avec quelqu'un? Cela est évident. Évident. Ça ne nécessite pas une chicane. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui sont ici et que la moitié individuelle est restée à la maison parce qu'elle ne croit pas à ça. Parce qu'elle ne veut pas se faire fourrer. Parce que, etc. Et si vous rentrez chez vous en décidant carrément que là, il faut acheter un autre lit, il faudra lui expliquer. Tu vas être à l'origine d'un boom économique dans la vente des matelas. J'ai d'ailleurs des parts. Non, mais il faut bien comprendre que si vous êtes avec quelqu'un et que cette personne ne comprend pas ses mécanismes, sachez que présentement, il est trop tard. Vous devriez instruire et prendre votre temps parce qu'on ne peut pas arriver et imposer une transformation dans un cadre écologique qu'est un couple ou une famille. Mais c'est bien évident pour les couples qui peuvent comprendre, expérimenter le phénomène vous-même. Dans deux lits dans la même chambre, c'est mieux. Dans deux chambres, c'est mieux. J'ai accepté de vivre dans mon corps, ça c'est certain. Alors, de toute façon, c'est sûr que lorsque cette personne se réveille, elle ne peut pas faire autrement qu'être en pleine... décadence énergétique qu'elle devra récupérer le matin. Allez à la campagne, dormez n'importe où, sur un sofa tout croche, un peu tout seul, vous vous relevez, vous êtes barbouillé d'enthousiasme, vous pétez le feu, vous allez vous promener, ça va bien. Et vous, du moment que vous retombez dans un lit, soit un lit qui a beaucoup de mémoire, des vieux lits à un moment donné, alors ça nous amène à des choses qui ne sont pas tout à fait nécessairement correctes au niveau énergétique, parce que le vieux lit tend à évoluer, parce qu'il a une mémoire évolutive, une mémoire astrale, spirituelle, une mémoire expérientielle de plusieurs choses qui sont passées dedans, et de plusieurs personnes qui ont laissé sortir leur propre vibration à l'intérieur de ce lit, alors même si on a lavé le lit, ça amène chez l'être humain une phase d'involution tout à fait normale. Lorsque la personne couche dans un lit neuf, c'est mieux. Lorsque la personne couche seule, c'est mieux. Énergétiquement. Et de toute façon, j'ai déjà expliqué avec dans des conférences antérieures que l'homme nouveau va coucher seul. Et que l'enfant va coucher seul. Et le bébé aussi. Les conférences et les émissions de radio sont-elles pour toi des expériences involutives? Comment retrouves-tu ton énergie? Ce ne sont pas des expériences involutives pour la simple raison que lorsque je parle en public, j'apprends. Je peux, étant donné que mon corps physique a une limite pour l'instant, à l'absorption d'énergie supramentale, je suis obligé de me servir de vous autres pour que je puisse laisser passer plus d'énergie supramentale. Alors, automatiquement, je suis capable d'avoir un degré plus élevé de ce contact. Automatiquement, vous venant ici et vous servant de moi, vous bénéficiez de l'énergie qui est répandue dans la salle, ce qui automatiquement vous fait évoluer ou vous amène à ce contact, vous aussi. Il y a donc un retour d'énergie parfait. Lorsque je fais des émissions de radio, j'ai une fonction beaucoup plus collective que ce qui paraît pour l'instant, dans plusieurs années, et je ne fais que préparer le terrain. Donc, j'aurai un retour énergétique dans une dizaine d'années. Alors, ce qui fait que pour moi, ce ne sont pas des expériences involutives. La même chose lorsque je fais un séminaire PMC, lorsque je m'adresse directement aux personnes, ces personnes-là ont un retour énergétique suffisant quand ce n'est pas trop. Et pour ce que je fais, je n'ai aucun problème énergétique parce qu'à un moment donné, j'arrive à rencontrer des personnes avec qui je peux travailler. J'arrive à rencontrer des personnes avec qui je peux dire « c'est mon ami ». Ce n'est plus un disciple. C'est un ami. Alors, je retrouve un phénomène énergétique qui est extraordinaire, qui n'est pas trop. Je vérifie moi-même mes échanges d'énergie, que la personne ne s'en fasse pas. Une question en rapport avec les expansions de conscience. Que se passe-t-il lorsque ta conscience, d'un seul coup, pour un événement donné, s'étend et englobe 100 pieds, 1000 pieds, que tu sembles occuper tout cet espace? Lorsque la conscience d'un seul coup englobe plus, c'est qu'une parcelle d'énergie vient d'être intégrée par l'homme évoluant. Si elle parle de pied, si elle-même a l'impression d'occuper un espace spatio-temporel, donc dans la matière, c'est que son champ de conscience d'énergie vitale vient soudainement d'être élargi. Ce mécanisme même de l'expansion de la conscience vitale, on en a parlé un peu lorsque j'ai répondu à une conscience sur les arts martiaux dans les semaines antérieures. Et la personne, dans un mécanisme nouveau qu'elle n'a jamais expérimenté la première fois que cela arrive, a conscience de tout ce qui peut se passer dans un rayon de 100 000 pieds ou dans un rayon limité à la planète Terre. Lorsque quelque chose se passe dans ce rayon, elle sent une perturbation de l'énergie et elle apprendra à la longue à interpréter, c'est-à-dire à écouter, c'est-à-dire à lire, c'est-à-dire à décoder, à déchiffrer ces perturbations énergétiques pour savoir ce qui se passe. Donc, elle aura une conscience vitale plus vaste que la majorité, conscience qui est normale chez l'homme nouveau et qui est normale chez le combattant, de ce que j'ai déjà appelé le combattant du Verseau. Cette conscience peut disparaître presque instantanément, c'est-à-dire que vous avez l'impression de tout percevoir et soudainement tout disparaît. Il ne reste qu'un passage mémoriel où vous pouvez dire « j'ai su, mais manque, je ne trouve plus ». C'est normal parce qu'on vous fait expérimenter une conscience que vous aurez un jour, mais n'ayant pas une conscience égoïque suffisamment énergisée, suffisamment puissante pour y résister longtemps, c'est-à-dire que ce ne serait pas long que si on vous laisserait cette conscience étendue, l'ego dirait « Hey, je suis rendu supérieur aux autres. Hey, je suis. » Puis l'ego voudrait s'en servir pour lui-même, ce qui, évidemment, irait en collaboration avec les forces d'involution. Alors, on fait prendre conscience à l'ego d'un mécanisme nouveau et on le fait disparaître presque instantanément ou quelques minutes après ou quelques heures après, dépendant de l'ego, pour que l'ego puisse dire « J'ai su quelque chose que je ne savais pas. » Donc, il y a des mécanismes en moi que je ne connais pas qui me permettent de savoir des choses que je ne peux pas expérimenter par mes propres moyens mémoriels conventionnels. Ce n'est pas mes sens traditionnels, c'est quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre peut être un choc pour l'ego. Normalement, c'est une phase d'instruction donnée par l'énergie intelligente, par l'esprit même de l'ego, qui lui fait ouvrir des portes. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque c'est spatio-temporel? C'est l'énergie vitale qui s'étend. Lorsqu'on a une conscience au niveau du monde des morts, ce que l'homme appelle la clairaudience ou la clairvoyance, c'est une conscience spirituelle ou une conscience astrale qui va s'étendre. Et lorsque l'homme a une conscience au niveau des mécanismes qui régissent l'évolution dans l'écologie, c'est la conscience mentale qui s'étend ou la conscience supramentale qui s'étend. Si la personne se prenait au sérieux dans ce cas, est-ce que ça voudrait dire que ça pourrait l'amener jusqu'à vouloir changer de loyer, trouver un loyer plus grand? C'est-à-dire que c'est le mécanisme qui va se passer, c'est qu'elle devra payer plus. Ce que je veux demander, c'est s'il peut y avoir du charriage dans ce genre d'expérience. Elle va payer plus pour la simple raison qu'elle va se faire charrier suffisamment pour pouvoir démolir tout l'écosystème qu'elle perçoit, croyant que ça fait partie d'elle et croyant que parce qu'elle le perçoit, elle peut maintenant décider de le gérer. Lorsque l'homme perçoit la nature, l'homme coupe, l'homme tue, l'homme y va. De plein gré, l'homme découvre que le bois peut faire des planches, l'homme fait des planches. L'homme découvre que le charbon brûle bien, alors l'homme creuse des trous. L'homme creusant des trous détruit des mécanismes énergétiques nerveux du plan planétaire. Et l'homme brûle le charbon en faisant de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique, ce qui va créer des pluies acides, ce qui va détruire les arbres, ce qui va créer le bois qui, pourrissant, disons, stigmatisant, fabriquer le charbon à long terme. L'homme ayant une conscience plus étendue mais limitée, régie par son ego, donc par son orgueil, se fait toujours fourrer. C'est pourquoi, normalement, lorsque, dans l'évolution conscientisante de l'homme nouveau, il découvre un mécanisme nouveau, ce mécanisme est un flash. Ce que l'homme appelait anciennement une illumination, qui ne durait pas longtemps, et qui servait à instruire l'ego. Lorsque l'homme aujourd'hui a une illumination, qu'elle soit psychologique, spirituelle, vitale, physique, mentale, supramentale, elle ne dure pas longtemps parce qu'elle est ajustée par différents ajusteurs qui vont permettre à l'ego d'être instruit qu'il y a des choses qui se peuvent mais que lui n'a pas le contrôle dessus. Donc, l'ego doit se mettre à genoux devant l'esprit, ce que dans la religion disait, l'homme doit se mettre à genoux devant Dieu. Comment dit, le danger, c'est dans la volonté de vouloir récupérer quelque chose au niveau de l'ego, là. C'est ça. Exactement. Tu vois tout, tu vois plus rien, oublie. Oublie. Essaie pas de te servir de ce que tu as tout vu parce que tu l'as mémorisé et tu vas t'en servir d'une façon colorée. Tu as tout vu, tu ne vois plus rien, merveilleux. Un jour, tu vas tout revoir et un jour, tu vas tout revoir tout le temps. Lorsque vous étiez au Pérou, dans la jungle, est-ce que les énergies involutives se sont manifestées sous une forme ou une autre pour empêcher de faire ce que vous alliez y faire? La semaine prochaine, je parle du travail planétaire et il va être le temps d'aborder le voyage au Pérou en ce qui concerne les mécanismes d'involution et les mécanismes d'évolution. Ce sera sans doute le moment le plus facile pour pouvoir avoir des exemples des mécanismes d'aujourd'hui, de l'évolution et de l'involution. Évidemment, ces mécanismes ont été expérimentés, explorés et vécus par moi et par 5 professeurs du programme être contrôleur. Alors, il est bien sûr que vous n'ayant pas vécu ces mécanismes, vous ne pourrez pas nécessairement accréditer tout ce que nous allons ou tout ce que je vais dire la semaine prochaine. Au niveau de l'expérience, cela n'a aucune importance parce que je vais le dire pour instruire les plans astro, je vais le dire pour instruire votre mémoire parce que lorsque cela arrivera ici au Québec un jour, vous comprendrez. Et vous n'aurez pas peur. N'ayant pas peur, vous ne pourrez pas être assujetti aux forces d'involution. Alors, il y a eu beaucoup de choses, de charriages. Les personnes que j'ai amenées avec moi avaient une connaissance intellectuelle, une connaissance mémorielle, quelque peu expérientielle, des mécanismes d'involution. Je les ai amenés avec moi, ces personnages, parce que je savais qu'ils pouvaient passer au travers. Et aujourd'hui, ils connaissent tout de ces mécanismes. Ils savent. Et ils ont commencé à apprendre à les contrôler. Ils ont commencé à apprendre à les instruire, donc à s'instruire. Alors, je vais revenir là-dessus la semaine prochaine parce que pour différentes raisons que j'ai déjà expliquées lors de la conférence, première conférence que j'ai faite lors de mon retour au Pérou, psychologie de l'homme nouveau, pour les mêmes raisons, la semaine prochaine, ça va être le temps d'en parler. Une question qui est tout à fait bien formulée dans le jargon supramental, il n'y a que quelques exégètes qui vont pouvoir la comprendre. Pour les autres, ça va passer au-dessus de la tête, mais on va pouvoir la résumer quand même. Regardez, il est demandé ici, pour qu'une forme quelconque, astrale ou mentale, évolue, doit-elle absolument s'exprimer dans les plans inférieurs? Exemple, quelqu'un exprimant la colère permet à la colère d'évoluer en elle. Mais il y a toujours un état exprimé chez l'humain, que ce soit d'ordre astral, mental ou autre. Est-ce possible qu'une absence d'état soit manifestée chez l'homme? Si oui, quel est cet homme? Quel est son statut? Quel état peut-on percevoir? Je pose ceci parce que l'état, exemple de colère, non évoluant, est stationnaire et non manifesté, mais il est existentiel. Donc, est-il possible d'annihiler une certaine panoplie, une totalité des états manifestables chez un être, merci. Autrement dit, la personne est intéressée par connaître la possibilité d'un état de vide, le vide mental. C'est quoi? Elle aurait dû poser ceci en premier. Lorsque la personne se libère complètement de son expérience mémorielle, lorsque la personne arrive par un contact avec l'énergie supramentale suffisamment ajustée pour transmuer sa mémoire, son ego et son âme en esprit, Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de manifestation d'aucun ordre planétaire. Lorsque la personne exprime la colère, elle peut exprimer une colère reliée à ses propres mécanismes expérientiels mémoriels, mais elle peut aussi exprimer une colère avec laquelle elle va s'être connectée au niveau des plans astraux. Lorsque la personne évolue au niveau supramental, elle prend souvent des breaks. Dans ces moments de repos, sa conscience se déconnecte d'elle, laissant les véhicules inférieurs totalement assujettis à l'évolution de la collectivité. Ces repos ne durent pas longtemps et l'homme qui est en repos, totalement assujetti, est automatiquement et facilement récupéré par l'énergie transmuée de l'âme au niveau des plans supramentaux, c'est-à-dire là où on va créer le corps supramental. À un moment donné, la personne devient totalement vide de pensée, c'est-à-dire que la personne n'a plus de conscience expérimentale planétaire ou expérientielle. La personne a une conscience galactique, une conscience supramentale qui lui permet de connaître tout ce qui se passe sur le plan planétaire, de même que ce qui va se passer au niveau des plans galactiques. On pourrait élaborer énormément sur cette question, mais on n'a pas le temps. Hélas, la conférence est finie. On te remercie beaucoup, Daniel.